fermé, nez qui sent, nez bouché. Moi qui tire, toi qui pousse, toi qui tire, moi qui pousse. Les mains dans nos souliers, les mitaines à nos pieds. La tête en bas, les pieds en haut, caïca. C'est rigolo de faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Joues creusées, joues joufflues, pieds chaussés, pieds tout nus. Moi qui tire, toi qui pousse, toi qui tire, moi qui pousse.